belle avec ses bleus. Elle est bête, c'est ce qu'ils disent. Pas traitée avec sérieux, elle n'est jamais vexée d'eux. Elle a bon cœur. Pourtant tous les jours on le brise, elle attend que l'homme finisse, elle agonise. Elle est forte et jamais à bout de ressources. Elle t'emporte avec elle dans un dernier souffle. Elle voudrait qu'on la considère comme n'importe quel être vivant. Tout ce qu'on veut c'est la faire taire comme un truc insignifiant. Qu'elle soit chaude ou froide, on se plaindra quoi qu'il arrive. Quelque chose de crade, être humain à la dérive. Plus de respect, plus de rêve de liberté. Tout ce qu'on veut c'est posséder, c'est ce qu'on appelle être attaché. Schéma destructeur, une fois terminé y'aura plus de retour. Non pas la peine de crier au secours, faire demi-tour ce sera plus l'heure. Attire la mort, c'est ce qu'on sait faire de mieux. Tellement peur d'admettre ses torts que l'homme préférera attiser le feu. Tout ce qu'on touche on le blesse. Les femmes, la terre c'est choquant. Les femmes, la terre c'est choquant. Comme les impacts qu'on laisse. Comme les impacts qu'on laisse. Le parallèle est frappant. Le parallèle est frappant. Tout ce qu'on touche on le blesse. Les femmes, la terre c'est choquant. Comme les impacts qu'on laisse. Le parallèle est frappant. Peu de gens voient que le temps nous presse. Qu'on éclate ce qui est vivant. Mais rongé par le stress. Changer de vie, pas évident.